LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Donc là, on va aller dans l'animalerie qu'on appelle tropicale. Vous allez le voir tout de suite, hein, il fait très très chaud, très humide. Vivant par nature. Donc là, on va trouver les proies qu'on donne aux fourmis, donc tout ce qui est grillons. On a aussi des cafards, des blattes, on devrait dire d'ailleurs, des bourdons et surtout ici, nos fameuses araignées sociales qui vivent donc en société, comme les fourmis un petit peu. Et donc, elles coopèrent dans la capture des proies, dans la construction de la toile. Et donc, c'est des araignées qui viennent de Guyane, donc Anelosimus, Eximus. Et c'est qu'on trouve des araignées en fait sociales que dans les milieux tropicaux. Donc le chercheur qui travaille sur ces araignées, Raphaël Janson, essaye de comprendre comment elles ont gardé en fait les caractères ancestraux de la socialité, parce que chez les araignées, quand elles naissent dans le cocon, elles sont toutes grégaires au départ et presque sociales, et ça disparaît après. Quand elles dispersent, elles deviennent presque agressives et cannibales. Or, chez cette espèce, finalement, elles gardent leur caractère juvénile, elles restent sociales en fait toute leur vie, et il essaye de comprendre pourquoi. Il est question ici du vivant, celui qui nous entoure, mais aussi celui que nous sommes. Qu'est-ce qu'un vivant ? Une question de prime abord simple, mais aux implications multiples. Pour y répondre, observons un organisme ni animal, ni végétal, parfois immortel et pourtant bel et bien vivant. À l'université Toulouse 3, Audrey Dussoutour, une grande spécialiste du Physarum polycéphalum, plus sympathiquement appelé blob, nous accueille auprès d'une centaine d'individus de cette espèce. Ils y sont étudiés dans leurs moindres détails. On les nourrit, les reproduit, on patiente même pour les faire vieillir. Le blob, un exemple singulier du vivant. Donc on va rentrer dans une première salle. Ici, c'est là où on fait les expériences. Salut Émilie. Donc Émilie, c'est la personne qui prépare tous les kits blob pour notre prochain projet de science citoyenne qui s'appelle Derrière le blob, la recherche. Il y a des paillasses, c'est vraiment là où on va faire toutes nos installations avec nos petits blobs, nos petits dispositifs expérimentaux. Et juste à côté, vous avez une salle qui est la salle la plus importante finalement. Bonjour Mathilde, Mathilde qui fait de la recherche. Et donc ici, c'est une salle où on va élever les blobs et aussi les filmer pendant qu'ils sont en expérience. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle des étuves. Ça ressemble à des frigos un petit peu. Sauf qu'au lieu de faire 4 degrés à l'intérieur, il fait 25. Et donc par exemple, la Mathilde, elle nourrit plus de 100 blobs par jour parce qu'on fait une étude sur le vieillissement du blob. Et donc elle élève des blobs qui ont plusieurs âges différents. Donc il y en a des très jeunes qui ont à peine un mois. Et ça va jusqu'à 15 mois. Donc si j'en prends un, là, on voit. Donc là, on a son identité. Celui-là, il s'appelle Lu. M pour médium. Bonjour Lu. Voilà, bonjour Lu. Et on voit par exemple que M6 ne va pas très bien. Voilà, il est en train de péricliter. Et donc en fait, c'est ce qu'on étudie, à quel âge ils vont commencer à montrer des signes de faiblesse. Gilles Boeuf, qu'est-ce qu'un vivant ? Ah, c'est une question intéressante qu'on nous pose souvent. C'est pas si simple d'y répondre. La définition du départ, le vivant, c'est effectivement quelque chose qui s'est développé sur la planète Terre assez vite après son refroidissement. Le vivant est totalement lié à l'eau liquide, qui est le solvant organique, le solvant universel, et ce vivant, il est capable de s'auto-reproduire. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est là que la question sur les virus est discutée, parce que eux, ils savent pas le faire. Mais quand on me dit ils sont pas vivants, dans ce cas-là, je dis comment on peut les tuer? Comment on peut tuer un truc qui n'a jamais vécu avant? Ça me paraît un peu compliqué. Mais c'est spécial, effectivement. Donc le virus doit trouver une structure pour s'auto-répliquer à partir de la cellule qui va accepter, bien sûr, de l'accueillir, dont il a contourné les défenses, bien évidemment. Donc le vivant, voilà, c'est un système qui permet effectivement l'auto-reproduction. Alors le vivant, pendant très longtemps, il se débrouille tout seul, par scissiparité. Ça veut dire qu'on a des cellules. Alors tout est eau liquide et tout est cellule. Tous les êtres vivants sont faits de cellules, quelquefois une seule, une bactérie par exemple, hein, ou un protiste. Hein. On peut parler du blob par exemple, une très grosse cellule qui fait des mètres carrés, mais une cellule avec beaucoup de noyaux. Et ces cellules, en fait, elles apparaissent dans l'océan ancestral au démarrage sur la Terre il y a un peu moins de 4000 millions d'années. Alors, ce vivant, c'est de l'eau liquide, des cellules. En gros, il y a 5 grands groupes, hein, pour nous classer le vivant. D'abord, les bactéries. Alors, une cellule sans noyau, avec l'ADN, bien sûr, libre dans le cytoplasme de la cellule. Ensuite, sur les protistes. Alors, on les oublie toujours, les protistes. Et pourtant, quand on parle alimentation, il n'y a pas de Français sans protistes. Parce qu'il n'y a pas de Français sans levure. Parce que sans levure, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de fromage. Par exemple, hein. Donc évidemment, elles sont absolument essentielles. Et les protistes, ce sont aussi surtout tout le phytoplancton de l'océan, toutes les micro-algues de l'océan, qui nous font quand même plus de la moitié de l'oxygène disponible sur la planète. Hein. Et cet oxygène qui a profondément modifié, quand ces êtres vivants ont inventé ce qu'on appelle la photosynthèse, hein, dans de l'eau liquide, toujours, hein, le CO2, qui nous empoisonne un petit peu aujourd'hui, la lumière du soleil, grâce à des pigments photorécepteurs, et on transfère ça en termes d'oxygène et de sucre. Et tout le système, il est parti comme ça. Inventé chez ces bactéries et ces protistes ancestraux. Après, ben, ce sont les champignons, hein, bien sûr, qu'on oublie souvent, alors que c'est un domaine fabuleux. Les champignons sont des objets d'études et de bio-inspiration extraordinaires, hein, mais vraiment extraordinaires. Et puis après, les plantes et les animaux. Là, ça, c'est sa portion quotidienne ? Oui, c'est ça. En fait, le blob, il double de taille tous les jours. Donc, on lui donne sa propre taille en flocons d'avoine. Et le lendemain, en fait, quand on arrive, les boîtes sont pleines. Ben, vous pouvez voir ici, puisque Mathilde, elle en a qu'elle n'a pas encore nourri. Et qui, eux, sont en forme, ils n'ont pas de problème. Et donc, ils ont tout couvert. On voit bien que là, le blob, il a même commencé à s'échapper un petit peu. Et donc, il double sa biomasse tous les jours. Vous pouvez me décrire à quoi ça ressemble, à un blob ? Alors, ça ressemble à... Souvent, les gens disent à des œufs brouillés ou à une vieille omelette. Ça, c'est quand il est en train de manger sur ses flocons d'avoine. Ça fait cet amas jaune, gluant, qui fait vraiment penser à des omelettes. Mais quand il se déplace et qu'il explore son environnement, il va faire plutôt des petits réseaux, comme des petits arbres. Et c'est beaucoup plus joli. Et c'est là où il prend vraiment toute sa dimension artistique, le blob. C'est quand il s'étale sur un substrat où il n'y a pas de nourriture. Mais quand il est sur de la nourriture, comme ça, il s'agglomère. Et donc, ça ressemble vraiment à une espèce d'éponge jaune. Oui, un jaune un peu fragonard. Alors ça dépend de la souche de blob en réalité. Donc là, quand c'est lu, il est très jaune. Et Malu, qui est en fait sa descendance, est beaucoup plus orange. Et donc ça va dépendre de la souche et c'est quelque chose qui est assez stable. On peut reconnaître presque les souches à la couleur. Michel Kreutzer. Alors un être vivant, c'est un être qui a des capacités particulières par rapport au monde minéral. Et moi, ce que l'on m'a appris lorsque je faisais mes études, c'est que avant tout, c'était des êtres, des espèces qui étaient capables de se conserver, grâce notamment à l'alimentation, à se reproduire et à assurer des autorégulations, c'est-à-dire régulation de leur organisme, régulation de leur relation avec leur environnement physique et social. Les théories évolutives avaient l'habitude de nous dire que ce qui était efficace, c'était ce qui permettait aux individus de survivre et de se reproduire. Mais un vivant, c'est pas seulement cela. Depuis pas mal d'années, on se rend compte que les êtres vivants, les organismes, notamment les vertébrés supérieurs, les oiseaux, les mammifères, recherchent également ce qui est source de plaisir. On sait que chez tous les vertébrés, des poissons aux primates et à l'humain, il y a des centres de récompense et des centres de plaisir. Donc un vivant, c'est un être aussi qui recherche des plaisirs et qui essaie d'éviter des déplaisirs. C'est une des raisons sans doute pour laquelle aujourd'hui on accorde tant d'importance à la souffrance animale et qu'on estime que on doit se donner des règles éthiques dans nos relations avec les animaux. Le blob meurt ou il meurt pas ? Alors, il y en a qui meurent, parce qu'en fait, c'est tous des clones. Et donc, on a des parties de blob. Là, par exemple, celui que je vous montrais là, de Mathilde. Lui, là, il va mourir. Là, Mathilde, elle est très optimiste. Elle lui a donné à manger, mais en réalité, on sait très bien que là, c'est fini. Donc là, on a des blobs qui ont plus de 15 mois. En fait, l'âge du blob, c'est très difficile à savoir, puisque nous, en fait, on les réveille à partir d'un état dormant. Donc on dit que c'est l'âge zéro, mais en réalité le blob il est né depuis bien longtemps déjà. Mais nous on regarde en fait le temps qu'il peut passer réveillé. Et habituellement, au bout de 3-4 mois, le blob il montre des signes de faiblesse. Alors c'est quoi les signes de faiblesse chez un blob ? Il commence à grandir un peu moins vite, il prend cette couleur un peu marron qu'on a vu. Là c'est vraiment la fin, ça veut dire que c'est la fin. Et il commence à attraper des infections bactériennes, fongiques. Et après, nous, habituellement, quand il commence à montrer des signes de vieillissement, on le fait entrer en dormance, donc il devient comme un petit lichen tout sec. Et quand on le réveille, il régénère complètement. Donc ça, il y a un côté un peu immortalité biologique comme ça. Et nous, on essaye de comprendre en fait comment il fait pour régénérer. Et pour cela, on a besoin de les pousser au maximum du vieillissement pour pouvoir accumuler des signes de vieillissement, pour pouvoir montrer que ces signes de vieillissement disparaissent. Et après, on va faire des prélèvements, mais on fait pas des prélèvements régulièrement. On prélève un petit bout de blob et après, en microscopie, on regarde s'il y a du stress oxydatif, parce qu'en fait, la marque du vieillissement, c'est le stress oxydatif dans la cellule. Et donc, on fait des petits prélèvements. Puis après, on va regarder, une fois qu'on va l'endormir et le réveiller, le niveau de stress oxydatif. Et c'est ce qui va nous montrer, en fait, qu'il régénère suite au vieillissement. Jean-Philippe Pierron, c'est quoi être vivant ? Eh bien, il faudrait commencer par dire que c'est ne pas être mort. C'est-à-dire, en fait, être capable de relations, de se laisser affecter par elles, et à partir d'elles, inventer un mode d'être singulier, capable de monde. En disant ça, ce que je veux dire, c'est que le vivant, on peut vouloir le définir par son organicité, par des compétences spécifiques, l'auto-formation, l'autorégulation, la capacité d'aller chercher au dehors de soi, ce qui permettra la survivance de soi. Et donc ça dit tout ça, mais ça dit surtout la dimension relationnelle en fait du vivant. Le vivant, c'est un être qui ne peut continuer d'être que parce qu'il y a des relations qui le soutiennent. C'est-à-dire qu'on nous sommes habitués à raconter les vivants à partir justement d'une biologique, d'une logique du vivant qui a son intérêt, enfin qui a son importance, mais qui est une manière de le raconter. Et avant la biologie, il y avait l'histoire naturelle. Et l'histoire naturelle, elle racontait des manières de comprendre le vivant sur le mode de l'enquête. Histoire naturelle, ça veut dire ça. Mais disons que ces dimensions de savoir, ce sont des manières de raconter nos rapports au vivant, parmi d'autres, je dirais. Peut-être que la littérature, le cinéma, les arts, dans leur diversité, peuvent nous dire aussi des choses sur les vivants, complémentaires, mais autres que l'exactitude que donne le biologiste, disons. En fait, à chaque fois qu'on les endort, ils régénèrent. Donc, on remet le système à zéro. Et donc, on essaye de comprendre comment il remet son système à zéro. C'est un petit peu comme quand vous travaillez sur un ordinateur et que votre ordinateur, il commence à ramer un peu et que vous le redémarrez. Et que d'un coup, ça va super bien. Et donc, nous, on essaye de comprendre quel est le processus qui, pendant l'endormissement, permet au blob de régénérer. Parce que ce serait vraiment une portée énorme pour tout ce qui est biologie cellulaire, quoi. Une des caractéristiques des vivants, c'est qu'ils meurent. Oui, mais alors le blob, ça c'est dans le laboratoire qu'il ne meurt pas. Dans la nature, ça ne lui arriverait pas de pouvoir tenir 15 mois comme ça, parce qu'il a des prédateurs déjà. Il est très sensible au changement de température, il est très sensible à la sécheresse, à l'acidité du milieu, aux polluants. Donc il y a plein de choses dans la nature qui vont faire que ça n'arrivera pas. C'est quoi son milieu naturel ? Alors son milieu naturel, c'est les sous-bois. En forêt, en Physarum polycéphalum plus particulièrement, vraiment c'est les forêts, donc il faut regarder sous les écorces des arbres, sur les arbres qui sont en décomposition. On peut y aller ? Ben oui, on va y aller. Voilà. Moi, je vous propose d'aller à la forêt de Buzet, qui est à 28 km de Toulouse, au nord. Et c'est une forêt qui est assez sauvage, et c'est là où on va habituellement chasser les blobs. Nous retrouverons bientôt dans la forêt Audrey Dussetour à la recherche de ces organismes difficilement classables, les amibozoaires sauvages. La classification du vivant, née de Carl von Linné il y a maintenant presque 300 ans, utilisait un système de nomenclature binominale. Nous entendons encore parler parfois de règne, le règne animal, le règne végétal, le règne des bactéries, comme si ces vivants étaient naturellement séparés par des critères bien définis. Mais qu'en est-il vraiment ? Catherine Lenne, chercheuse en biologie végétale. Ce terme de règne était utilisé dans les classifications à l'ancienne et donnait l'impression que les végétaux étaient bien séparés des animaux, séparés du monde des bactéries, du règne des bactéries, etc. Et on s'aperçoit que, par exemple, les végétaux, c'est pas un groupe naturel. On met dans ce sac des végétaux, des tas de lignées évolutives qui n'ont aucune parenté les unes avec les autres, mais qui ont des convergences de formes et de couleurs, en particulier le vert, bien sûr, et qui fait qu'on a cru qu'elles étaient apparentées, toutes ces lignées végétales, toutes ces lignées évolutives. Elles ne le sont pas, en fait. Alors, comment définir ce qu'est un végétal ? Ce n'est pas très facile. On a des critères, on va penser justement à la présence de chlorophylle, donc au vert, mais des bactéries sont photosynthétiques. Et ces bactéries, ben, ce ne sont pas des végétaux, ce sont des bactéries chlorophylliennes. Donc on va rajouter aussi un critère qui est que dans le végétal, les cellules qui constituent le végétal, qu'elles soient uniques ou plusieurs, il faut qu'elles aient un noyau, c'est-à-dire un compartiment à l'intérieur de la cellule dans lequel l'ADN, les chromosomes, sont prisonniers. Ajouter à cela, alors on pourrait penser à la vie fixée. On se dit, ben, un végétal, c'est toujours fixé dans le sol, ça bouge pas. Mais cette fixité, ben, ça marche pas non plus parce qu'il y a des animaux qui sont fixés également. Vous prenez l'exemple des coraux, ce sont des animaux. Chaque petit animal, chaque petit polype vit fixé sur sa barrière de corail. Donc la fixité, ça ne marche pas. Et en plus, dans le monde végétal, il y a aussi des algues nageuses, des algues unicellulaires qui nagent. Donc elles ont la locomotion. Donc la fixité, ça ne fonctionne pas. En lien avec la photosynthèse, une autre définition, c'est de dire ben, tous les végétaux sont à l'entrée des chaînes trophiques, c'est-à-dire des chaînes de nutrition. Il y a toujours, au début d'une chaîne d'êtres qui se mangent, il y a toujours un végétal, puisque c'est lui la porte d'entrée du carbone hein, dans le monde du vivant. Alors, ça c'est peut-être une définition écologique, mais là aussi, ben, ça marche pas toujours, parce qu'il y a quand même des écosystèmes qui fonctionnent sans lumière sur la planète, où il n'y a pas donc de végétaux, il n'y a pas de chlorophylle, et ça fonctionne quand même. Donc, tout ça pour vous montrer que définir ce qu'est un végétal, ce qu'est une plante, c'est pas très facile en fait. Mais avant la naissance des plantes, comment la vie est apparue ? Quelle est l'histoire du vivant ? Alors maintenant, comment la vie a-t-elle commencé ? On ne le sait pas encore vraiment. Bruno David. Il y a des molécules organiques qui ont commencé à s'assembler, qui se sont assemblées. Et puis, il y a eu le phénomène d'autoréplication, de la capacité à se reproduire et à être soumis à une forme de sélection. À partir de là, on peut considérer que la vie a commencé. Elle a commencé par des micro-organismes, par des êtres unicellulaires, sans doute extrêmement frustes. On en a très très peu de traces. On a des traces indirectes de présence de la vie, par des molécules créées par la vie. On a des traces directes vers 3500 millions d'années. Donc il s'est passé quand même 300 millions d'années pendant lesquelles on n'a pas de traces de vie en tant que telle. On a ces premiers organismes qui vont se perfectionner. Et parmi les premiers d'entre eux, on a ce qu'on appelle des cyanobactéries qui vont constituer des sortes de coussins qui vont être en bord de mer. Il faut imaginer que le ciel était marron parce qu'il avait l'atmosphère n'avait pas la même composition qu'aujourd'hui. On était dans des mers par endroits évidemment qui étaient peu profondes. Il y avait déjà des continents. Il n'y avait aucune vie sur les continents. La vie était exclusivement marine. On avait ces coussins qui se formaient et qui étaient des empilements d'organismes unicellulaires, ces cyanobactéries. Et à l'époque, l'oxygène était un poison pour la vie. Donc ces organismes rejetaient de l'oxygène et progressivement, l'atmosphère s'est enrichie en oxygène. Ça a mis des centaines de millions d'années. L'invention de la photosynthèse, c'est l'invention du végétal. Et si on replace ça sur une horloge, par exemple, sur 24 heures, parce que les temps géologiques sont toujours difficiles à appréhender, en gros, l'apparition de la vie, c'est à 4 heures du matin, hein, si la formation de la Terre est au temps zéro. À 4 heures apparaît la vie, à 5 heures du matin apparaît la photosynthèse, c'est-à-dire la capacité à fabriquer de la matière organique carbonée à partir de dioxyde de carbone et d'eau, et cela grâce à l'énergie du soleil. Et c'est cette invention qui est le point de départ de toutes ces lignées évolutives végétales qu'on met dans le sac qu'on appelle les végétaux. 5 heures du matin, donc l'invention de la photosynthèse, mais les premières algues, on est déjà vers 14h08, c'est-à-dire beaucoup plus tard. Alors entre 4 heures du matin et 14h08, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, cette photosynthèse, elle n'est inventée que par des bactéries encore. Les premières algues, donc 14 heures environ, et il faut attendre 21h52 pour voir apparaître les premières plantes sur les continents, les premières plantes terrestres. Donc vous voyez, c'est très très récent, 21h52, et en termes de millions d'années, on est à 450 millions d'années à peu près. Et si je continue la pendule, après les plantes terrestres, on attend encore 22h24 pour inventer l'arbre, donc les grandes plantes, si vous voulez, avec du bois. Les dinosaures apparaissent quelques dizaines de minutes plus tard, vers 23h. Nous-mêmes, vers 23h40, enfin les mammifères, pardon, vers 23h40 et l'homme vers 23h58 et 43 secondes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'histoire des végétaux est bien plus ancienne que la nôtre, premièrement, mais que pour arriver à faire ces plantes et ces plantes qui colonisent nos continents, il a fallu beaucoup de millions d'années, beaucoup de centaines de millions d'années. L'histoire se continue et on va arriver à des organismes pluricellulaires. C'est-à-dire qu'il y a des cellules qui vont s'associer et dont certains, dans cette association, dans cet amas de cellules, il y en a certaines qui vont se différencier pour certaines fonctions précises. Et c'est le début de la différenciation des organes. Et à partir de là, ça va se complexifier. On va avoir l'origine des plantes, des champignons, des animaux qui vont apparaître et qui vont se développer. Et dans le registre fossile, les premiers moments où on a vraiment une faune animale pluricellulaire vraiment bien différenciée, c'est vers 600 millions d'années. Donc on est très proche de nous par rapport aux 3800. On a une faune particulière qu'on appelle la faune d'Ediacara, parce qu'on l'a découverte à Ediacara en Australie, avec des organismes unicellulaires qui, à cette époque-là, n'ont pas encore de squelette minéralisé. Ce sont des organismes mous. Donc les préservations sont assez complexes et c'est pour ça qu'on a finalement assez peu de traces. Ça ressemble à quoi cet animal, si c'est un animal? Alors il y a plusieurs animaux. Il y a une faune assez diverse quand même. Il y a des choses qui ressemblent, comment vous dire, à des sortes de galettes fendues au milieu. Il y a un organisme que j'aime bien, mais qui est circulaire, qui est assez aplati, qui a une sorte de rebord autour de lui, une sorte d'anneau, et avec une étoile à cinq branches au centre. C'est peut-être l'ancêtre de tous les échinodermes, c'est-à-dire les oursins, les étoiles de mer, les concombres de mer. Peut-être que c'est leur ancêtre. On ne le sait pas vraiment parce qu'il n'y avait pas de squelette. Puis on avance dans l'histoire, et vers 540-530 millions d'années, on a vraiment des formes fossiles avec des squelettes minéralisés qui apparaissent. Et là donc, on a l'impression d'une explosion de la vie sur Terre. On a l'impression que brutalement, il y a énormément d'organismes. Il y a sans doute un biais d'enregistrement dans le registre fossile, dans la mesure où à partir du moment où il y a des squelettes minéralisés, ça se fossilise beaucoup mieux. Et donc on a l'impression qu'il y a tout de suite beaucoup plus d'organismes, alors qu'auparavant, avec des organismes mous, ça se fossilisait moins bien et donc il y en avait moins. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui, Gilles Boeuf, explose il y a 700 millions d'années, c'est intéressant, à la limite entre l'océan et les continents à l'époque. Alors la vraie question intéressante pour nous, c'est de se dire... Est-ce que tout ça a permis l'explosion de la vie parce que c'est apparu à ce moment-là, ces conditions qu'on évoque à l'instant, ou bien est-ce que tout était en stand-by dans les systèmes et c'est l'environnement qui changeait qui a permis cela? On va plutôt vers la seconde hypothèse. Tout était prêt quelque part, sans aucun dessin intelligent, on est bien d'accord, hein. Et au moment justement où les conditions ambiantes le permettent, à la fois dans l'eau de mer, puis sur les rivages, et là on va revenir au littoral qui a eu un rôle essentiel dans l'évolution de la vie, tout ça part. Donc les ancêtres de nos invertébrés marins par exemple, et terrestres, hein. On n'est pas encore aux insectes, mais les crustacés sont déjà là, les mollusques, tout ce qu'on appelle les vers, les annélides, les nématodes, tout ça. Et ça part vraiment à ce moment-là. Alors il y a une seconde raison aussi à notre observation actuelle, c'est que c'est les moments où, grâce aux dieux quelque part, ces êtres vivants vont commencer à faire des squelettes et des coquilles. Et ça, c'est super fossilisable en fait, hein. Donc aujourd'hui, quand on regarde par exemple une série marine de coquillages anciens, on surévalue leur importance à l'époque, parce que c'est tellement bien conservé. On a des coquilles, mais impeccables, hein, après des centaines de millions d'années, et les cuticules. Hein. Et c'est les inventions de molécules biologiques géniales que sont la chitine chez les insectes et la cellulose chez les plantes, des polymères, qui vont faire que ça se garde. Ad vitam aeternam, on a des choses incroyables. Donc on lit beaucoup mieux l'évolution. Il y a des groupes où c'est plus compliqué. Quand c'est tout mou, des méduses par exemple, le corail c'est facile, la partie vivante du corail c'est beaucoup plus compliqué. Tout ça mis bout à bout, en gros, on commence à avoir une bonne imagination de ce qu'est le vivant depuis 800 millions d'années où les fossiles sont en fait identifiables, utilisables. Et puis on verra très bien la sortie de l'océan, je le disais tout à l'heure. Hein. Ça sort, alors d'abord, la vie n'est pas sortie une fois par hasard de l'océan. Elle est sortie probablement par hasard, mais des tas de fois, à des époques différentes, dans des endroits différents. Hein. C'est les sorties de l'océan. Hein. Et là, ça va être assez génial, parce que ça se passe forcément par le littoral. Hein. Ils vont pas sauter de la mer au sommet des montagnes. Et sur le littoral, il va se passer des choses extraordinaires qui sont, un, le passage de l'eau salée d'abord à ce qu'on appelle de l'eau saumâtre, hein, les estuaires, ces régions particulières, là, ces lagunes côtières qui sont super intéressantes. Et après aux eaux douces, c'est très compliqué. Hein. Passer, quand on vit dans l'eau et qu'on respire dans l'eau, de l'eau de mer à l'eau douce, c'est pas une mince performance. Je prends le cas des poissons qu'on connaît bien, 35 000 espèces de poissons, bah, il y en a 350 qui savent faire ça. Hein. Sortir de l'eau de mer, aller en eau douce et revenir en mer, donc ça c'est intéressant, ça demande des adaptations assez incroyables. Et puis ça sera là aussi, à part le passage eau de mer au saumâtre eau douce, que la vie sort de l'océan. Et là, on passe des branchies aux poumons. Pour les espèces qui sont bien sûr élaborées, pour les animaux, que j'évoquais tout à l'heure, et tout va changer. Mais on se rend compte que les tissus initiaux, par exemple, le rôle du mucus est incroyable. Il y a tout le temps du mucus dans un poumon humain, dans une branchie de poisson, dans un intestin. Partout, il se fait des échanges. Et ça, c'est lié à l'histoire du vivant avec cette eau liquide que j'évoquais tout à l'heure. Il y a un second aspect qu'on peut évoquer qui caractérise aussi le vivant, c'est la composition des membranes biologiques, des cellules, où il y a toujours une couche qui aime l'eau et une couche qui n'aime pas l'eau. Parce que cette dualité, la lipide-eau, est absolument essentielle. Si je mets de l'huile dans le dos, vous savez que ça ne se mélange pas. Et le vivant a merveilleusement tiré parti de cela, en fait. Donc ce vivant, il a une grande unité, en fait. Puis ce qu'on n'a pas terminé, c'est l'ADN, bien sûr. On me dit souvent que c'est la molécule essentielle du vivant. Je dirais avant l'ADN, il y a la flotte liquide, dans l'eau liquide. Alors l'ADN après, ou l'ARN bien sûr, qui est une molécule qui stocke toute l'information génétique. Alors c'est beaucoup de choses, mais c'est pas tout. Hein, on sait bien maintenant qu'il y a des tas d'aspects où en fait, avec l'ADN, je peux pas en déceler tout ce qu'est un être vivant. N'empêche que c'est ce qui fait qu'on a une girafe ou un éléphant ou un hippopotame ou bien un arbre, hein, ça c'est intéressant. Et ce que je voudrais dire à l'humain, à cette unité que j'évoquais, ben l'humain il a un tiers de ses gènes pour la partie connante hein, de l'ADN, commun avec les micro-algues de l'océan, hein, avec mes protistes de tout à l'heure, 2/3 avec une mouche, 60% avec la vigne, hein, nous qui parlons de vin et qui l'aimons bien, avec une banane. Hein, et ça c'est super intéressant, il y a une unité globale du vivant qui est extraordinaire bien sûr. En fait, il n'y a peut-être pas vraiment de frontières dans le milieu naturel. Exactement. Et en fait, il faut même prendre conscience que nous sommes tous issus du même creuset. C'est-à-dire que si on remonte le temps, si on remonte l'évolution, nous descendons tous d'un même être unicellulaire hypothétique, qu'on a baptisé d'ailleurs, Luca, il s'appelle, L-U-C-A. En anglais, ça veut dire le dernier ancêtre unicellulaire commun. Et à partir de Lucas, il y a trois grandes branches du vivant qui se diversifient. La branche des bactéries, la branche des archées et la branche des eucaryotes. Les eucaryotes, ceux qui ont des vrais noyaux. Et dans ces eucaryotes, il y a les animaux et il y a les végétaux. Donc en fait, nous sommes très proches. Savez-vous que, par exemple, nous avons un tiers de nos gènes en commun avec ceux d'une jonquille ou d'un arbre? Ce qui est formidable, c'est de penser que nous avons des fonctionnements et puis des structures moléculaires en particulier qui sont communes. Il y a certains gènes qui sont conservés depuis des milliards d'années à travers l'évolution. Par exemple, des gènes qui codent pour des substances nous permettant de sentir la pression. Alors la pression, nous, hommes, nous la ressentons par la peau. D'accord. Le toucher, c'est une histoire de pression, hein, de variation de pression au niveau de la peau. Mais la bactérie, dans son milieu, dans son eau, ou l'algue dans son eau, elle a aussi besoin d'être capable de sentir la pression autour d'elle pour pouvoir réguler la quantité d'eau qui l'envahit ou les substances qui l'envahissent, etc. Donc cette capacité à percevoir la pression, c'est quelque chose de commun à tout le vivant. Ça, c'est quand même assez formidable. Lucas, c'est Last Universal Common Ancestor. Bruno David. Donc, c'est un être virtuel qui a dû quand même exister, on l'a jamais trouvé, qui est l'ancêtre commun à toute la vie sur Terre, à tout le monde vivant sur Terre. Donc, Lucas, il pose la question de savoir si la vie était unique ou pas unique sur Terre. Est-ce que la vie est apparue qu'une fois sur Terre ou est-ce qu'elle est apparue plusieurs fois? On considère que la vie est apparue qu'une fois, et on a plusieurs arguments pour le dire. Maintenant, il n'est pas impossible qu'elle soit apparue plusieurs fois, mais que les autres fois aient complètement disparu sans laisser aucune trace. Ça n'est pas impossible, mais on n'en aura jamais la preuve. Pourquoi on peut penser qu'il n'y a qu'une seule origine de la vie? Il y a différents arguments. D'abord, tous les êtres vivants que l'on connaît aujourd'hui partagent le même code génétique. Tout est basé sur l'ARN ou l'ADN, donc ces deux molécules, ces molécules en hélice qui possèdent, j'aime pas dire l'information, mais enfin, qui sont l'inscription génétique, qui sont là où se trouve le génome. S'il y avait d'autres formes de vie, ça serait quand même bizarre qu'on ait exactement le même support d'information, en quelque sorte. Il faut comprendre qu'à partir de Lucas, notre last universal common ancestor, le vivant s'est différencié et que la meilleure représentation qu'on puisse avoir du vivant sur Terre, c'est celle d'une sphère, d'un buisson sphérique qui se ramifie depuis l'intérieur vers l'extérieur. Et chaque rameau qui arrive à la surface de la sphère est une espèce d'aujourd'hui. On est aujourd'hui à la surface de la sphère. Si on rentre dans la sphère, dans ce buisson sphérique, on va aller vers le passé. Donc il y a des branches qui s'arrêtent en cours de route, ce sont des espèces éteintes. Il y a des espèces qui arrivent jusqu'à la surface de la sphère. Et on peut toujours, quand on est sur Homo sapiens à la surface de la sphère, on peut regarder vers l'intérieur et on a un chemin qui mène vers nous. Et on peut se dire, mais nous sommes au sommet de tout cela. Mais si on se met sur le rameau qui mène finalement au pissenlit, le pissenlit peut se dire, mais j'ai une branche qui mène vers moi. Puis si on se met à la place du poulpe, on peut avoir un rameau, mais ça vient vers moi. C'est moi qui suis au sommet. Donc tout le monde est au sommet. Donc on a le même, on partage, on n'est pas plus évolué que le pissenlit ou que le poulpe. On est éventuellement plus complexe, mais on n'est pas plus évolué. Parce qu'on est séparé de notre ancêtre commun par la même distance temporelle. Je vous posais une question assez naïve, Gilles Boeuf. Pourquoi le vivant ? Il n'y a aucune raison, il n'y a pas un dessin particulier. Alors la vraie question qu'on pourrait se poser, est-ce que sur une planète analogue ailleurs quelque part, la vie va se développer ? Pour moi, je pense que c'est parfaitement possible. Pour l'instant, on ne connaît que l'eau comme étant la molécule initiale de tout. Est-ce qu'on peut imaginer une molécule du même type ? Pourquoi pas ? Ce qui est clair, c'est que si la vie est ailleurs, elle n'est pas la même que la nôtre. La vie, alors elle est apparue sans aucun pourquoi, il s'est fait... Vous savez, la vie, c'est de la chimie assez subtile. On parle de vie prébiotique. Quelle était la vie avant la vie ? Et c'est vrai, par exemple, on n'exclut pas aujourd'hui qu'il y ait des êtres vivants, avant ces bactéries que j'évoquais, entièrement différents, qui se sont éteintes et remplacées par autre chose, pourquoi pas. Donc sans répondre à pourquoi la vie, comment la vie ? Eh bien la vie, elle a tiré parti d'une géochimie antérieure. Hein. La vie n'est pas apparue de rien. Là, en ce moment, vous nous écoutez, vous avez un squelette. Hein. L'œuf de poule, je peux prendre également le cas d'un squelette de corail, je prends le cas d'une coquille d'huître. Tout ça, c'est un subtil travail de ce qu'on appelle une biominéralisation, ce qui veut dire qu'il y a une chimie minérale qui va servir de base à une chimie organique, parce qu'en plus, réponse aussi à la question antérieure, la vie est construite avec pas grand-chose. Hein. Carbone, hydrogène, oxygène et azote. Et des filles font là de trucs rares, un poil de sélénium. Ne demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc ce qui est fabuleux dans la vie, c'est sa capacité à s'être organisée de telle façon, sans aucun dessin, hein, on revient sur des questions de sélection, dans des environnements qui ont changé sans arrêt. Et c'est quand ça change que ça oblige le vivant à réagir. Et ça, quand ça commence à changer, la température, l'acidité, un volcanisme qui produit du CO2 à des niveaux incroyables, la température qui s'effondre ou qui monte, là, le vivant réagit en faisant apparaître de nouvelles espèces. Et la conclusion de ça, c'est good genes et good luck. Hein, je dirais, il faut les bons gènes au bon moment et de la chance. Et la vie s'est perpétuée comme ça absolument partout. Que je retrouve, mais je suis parti par là. Donc c'est bon. J'ai marché au hasard de la chasse. Audrey ? Oui. Où sommes-nous là ? Alors là, on est à la forêt de Buzet. C'est une forêt qui est au nord de Toulouse. Et c'est une chênaie, on dirait. La plupart des arbres autour de nous sont des chênes. Et là, il a plu il n'y a pas très longtemps, donc le sol est très humide. Ce qui est un moment assez idéal pour trouver des myxomycètes. Et donc les myxomycètes, c'est une classe à laquelle appartient le blob. Et ça regroupe en réalité plus de 1000 espèces identifiées, mais on pense qu'il y en a 10 000. En fait, il y a très peu de gens qui travaillent sur les myxomycètes et qui travaillent à l'identification des myxomycètes. Et donc on est très loin du compte. Mais on sait qu'en France, on a au moins déjà plus de 300 espèces identifiées. Donc dans cette forêt, il y a certainement une bonne cinquantaine d'espèces de myxomycètes, sans problème. Qu'est-ce qui vous a intéressé chez le blob ? C'est peut-être sa façon d'être ? Alors, de formation, moi je suis myrmécologue, je travaille sur les fourmis, et ce qui m'intéressait chez les fourmis, c'était cette intelligence distribuée. Et bien chez le blob, c'est la panacée de l'intelligence distribuée, parce que vous avez un organisme qui n'a pas de cerveau, donc pas de système centralisé, qui est capable de résoudre des problèmes qui, avec l'œil humain, pourraient nous paraître trop complexes, sortir d'un labyrinthe, équilibrer son régime alimentaire. Et pourtant, il le fait sans système nerveux, c'est complètement décentralisé, on ne sait pas où se prennent les décisions, on ne sait pas où commencer à coordonner, et ça, c'est assez fascinant. Vous les cherchez comment? Vous savez où ils habitent ou... Alors, le milieu de vie des myxomycètes, c'est souvent sous les feuilles mortes. Alors, ils se mettent toujours à l'abri de la lumière parce que les UV, c'est très dangereux pour les myxomycètes. Ils vont vers la lumière que quand ils arrivent à maturité, quand ils vont sporuler. Et donc, c'est sur les mousses, on en trouve beaucoup sur les mousses. Et c'est toujours sur des bois en décomposition. Parce qu'ils se nourrissent de matière organique et en particulier de champignons et de bactéries. Vous en avez trouvé là ou pas? Alors, je peux vous donner un petit coin parce que là, on a une branche, c'est le type d'écosystème idéal pour le blob. C'est une branche qui est tombée il y a bien longtemps, où il y a beaucoup d'écorce qui s'est déjà détachée. Et là, c'est vraiment un endroit où on va retrouver beaucoup de myxomycètes. Alors, un indice aussi, c'est si on trouve des bois avec pas mal de limaces dessus. C'est toujours un bon indice parce que la limace est le prédateur du myxomycète. Donc, si vous voyez la limace, c'est plus facile à repérer qu'un myxomycète souvent. Et donc, vous voyez, si on s'approche ici, là, alors je vais dégager un petit peu. Vous voyez ici ces petites choses blanches, là, qui sont sur des petits pieds. Et donc, ça, c'est en fait des sporanges de myxomycètes. Donc, les sporanges, c'est quand le blob rentre en fructification, qui rentre en reproduction, il forme ces petites structures. Et elles vont brunir. Là, on voit à côté qu'elles sont un petit peu plus brunes. On dirait un peu un champignon, non? Alors, ça ressemble beaucoup. D'ailleurs, juste à côté, vous avez des champignons. Ça, c'est pas du tout des myxomycètes, ça, c'est des champignons. Et là, vous avez en fait des spores de myxomycètes. Ça ressemble beaucoup et c'est pour ça que les scientifiques ont longtemps cru que c'était des champignons. Jusqu'en 1990, les myxomycètes étaient classés dans les champignons. Le blob est plus proche d'une cellule animale. Il a juste une petite membrane, une bicouche lipidique, très très fine. Il n'a pas de paroi comme les végétaux avec de la cellulose ou une paroi comme les champignons avec de la chitine. Il est comme nous, il est nu. Donc en fait, quand un blob se reproduit, alors le blob c'est une cellule, c'est un organisme unicellulaire, et sa cellule est polynucléée, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs noyaux à l'intérieur. Et quand il rentre en reproduction, chaque noyau va donner une spore. Donc en fait, un blob qui est par exemple de 10-20 cm² va avoir plusieurs millions de noyaux, donc il va donner plusieurs millions de spores. Donc, en fait, c'est très particulier parce que chez les myxomycètes, quand ils rentrent en reproduction, tout le corps rentre en reproduction, il n'y a rien qui reste derrière. Là, on ne voit plus le corps du myxomycète, on voit juste ces arbres, là, ces petits arbres, il n'y a plus le corps du myxomycète. Donc en fait, chez Physarum polycéphalum, par exemple, chaque individu porte deux types sexuels. Donc prenons l'exemple, il porte A et B. Quand il va faire des spores A, et des spores B. Et quand ces spores germinent, elles doivent aller avec un autre type sexuel pour fusionner. Et donc là, elle a 720 possibilités chez Physarum polycéphalum, puisqu'il existe 720 types sexuels. 720 genres? C'est pas des genres, c'est des types sexuels. On parle pas de genre chez les myxomycètes. Dans le vivant, on pense souvent au monde animal, au monde végétal. Mais il y a d'autres mondes vivants. Oui, en fait, il y a beaucoup plus de règnes que ça. Alors, c'est vrai qu'à l'école, on apprend le règne des champignons, le règne des plantes, le règne des animaux. Et on ne nous parle pas du reste. Alors que là, on est en train de piétiner plein de restes, en effet. Tous les organismes unicellulaires, pendant longtemps, ils ont été classés dans un groupe qu'on appelait protistes. C'était vraiment le fourre-tout. Ça avait une seule cellule. Ce n'était pas une plante, pas un champignon, pas un animal. Pof, c'était un protiste. Et en réalité, chez ces protistes, il y a plusieurs règnes bien différenciés. Le blob, lui, il appartient au règne des amibozoaires, qui sont des organismes, en fait, composés d'une seule cellule. Et là, cette cellule peut se déformer à souhait, peut prendre toutes les formes. On voit peut-être dans notre imaginaire ce que c'est une amibe. Et après, vous avez le règne des Rhizaria, des Excavata, des Alveolata. Vous en avez plein, plein, plein. Et là, par exemple, on a plein de ce qu'on appelle les ciliés. Donc, c'est des petits organismes unicellulaires composés de plein de petits cils, plein de petits poils. C'est pour ça qu'on les appelle les ciliés. Et en fait, là, on en piétine des millions. Parce que chaque fois que nous, on ramène des bouts de bois de la forêt dans le liquide, quand on humidifie nos bois, on est rempli de ciliés. Et surtout, là, on marche certainement aussi sur des tardigrades. Il y a plein de tardigrades dans cette forêt. Donc, en fait, c'est vrai que la classification en fait, du règne vivant, elle change sans arrêt, quoi. On sait qu'on a les procaryotes, qui sont les bactéries et les archées, et après on a les eucaryotes. Et en fait, à l'avènement des eucaryotes, il y a 2 milliards d'années, il y a une diversification énorme. Et donc, en ce moment, on dit qu'il y a entre 8 et 9 règnes eucaryotes. Et c'est vrai que les gens focalisent sur le visible, donc ils focalisent sur les plantes, les animaux et les champignons. Or, en fait, finalement, 70%, on ne les connaît même pas, quoi. Et on risque de les perdre même avant de les connaître. Pourtant, ceux-là, on les voit, hein, on peut les voir. Oui, oui. Alors, c'est la particularité des myxomycètes. Au sein du règne des amibozoaires, les amibozoaires, ils sont tout petits, ils ne sont pas visibles à l'œil nu, c'est des cellules qui font entre 5 et allez, 200 microns maximum. Mais dans ce règne des amibozoaires, il y a une classe qui s'appelle les myxomycètes, et eux, ils sont largement visibles à l'œil nu. Donc, myxomycètes, c'est du grec champignon gluon. Pourtant, ce n'est pas des champignons. Alors, ils ont été classés au XVIe siècle dans les plantes, puisqu'à une époque, au XVIe siècle, c'était soit on était un animal, soit on était un végétal. Et quand ils ont vu le blob, ils ont dit, ah, clairement, ce n'est pas un animal, c'est jaune, ça peut être rouge, ça peut être blanc. C'est une plante, c'est une fleur. Et ils pensaient longtemps que c'était une fleur. Et après, ça a été classé dans les champignons, quand les champignons étaient séparés des plantes. Et là, dans les années 90, c'est la génétique, en fait, qui a dit, le blob est un amibozoaire, en fait. En regardant, en fait, son matériel génétique, ils se sont aperçus qu'il avait plus de liens avec les amibozoaires. Et finalement, il s'est différencié des champignons il y a très longtemps. On est plus proche des champignons, nous, que le blob. Et finalement, c'est comme l'évolution, en fait. La classification, c'est un continuum. Qu'est-ce que ça dit sur l'humain, cette façon de classer, voire même parfois de hiérarchiser le vivant ? Ça nous dit qu'on a besoin de mettre les choses dans des cases pour comprendre. Mais bien sûr, ces cases n'existent pas, c'est nous qui les fabriquons. On entend souvent dire, je vais vous donner un exemple, on entend souvent dire l'apparition des mammifères, l'apparition des vertébrés. Mais les mammifères ne sont jamais apparus. Vous allez me dire, mais c'est absurde, pourtant j'ai un chat, un chien, je vois une vache, je suis un mammifère. Qu'est-ce que vous me racontez là? Les mammifères sont bien présents. Non, les mammifères ne sont jamais apparus en tant que tels. Ce qui est apparu, c'est une caractéristique, par exemple la capacité d'allaiter ses jeunes, et cette caractéristique a été ensuite transmise à tous les descendants. Donc ce sont des caractères qui apparaissent, ce sont des innovations évolutives qui apparaissent. Et c'est leur succès subséquent, leur succès dans l'histoire, qui font que finalement il y a beaucoup d'espèces qui vont partager ce caractère et qu'on va utiliser ce caractère pour dire bah, tous les animaux qui possèdent ce caractère, on les appelle des mammifères. Mais en tant que tels, ils ne sont pas apparus. Comme ça, ex nihilo, en disant tiens, les mammifères apparaissent. Non, il n'y a que des caractéristiques qui apparaissent. Tout ça pour vous dire que c'est nous qui créons ces boîtes autour de caractéristiques qu'on considère comme étant des caractéristiques importantes. Et c'est comme ça qu'on reconstruit d'ailleurs l'arbre des parentés en s'appuyant sur les caractères. Que ce soit des caractères génétiques ou des caractères morphologiques. Qu'est-ce que ça nous raconte le blob par rapport au reste du vivant ? Mais ils questionnent honnêtement. Déjà, les plantes nous avaient questionnés en démontrant qu'elles pouvaient apprendre. Et ça avait déjà été quand même... Ça avait cassé un dogme. Parce que jusqu'à présent, l'apprentissage était réservé, en fait, cette capacité était réservée à des organismes équipés d'un système nerveux. Les plantes nous démontraient que finalement, ce n'était pas vrai. Mais les gens se disaient, oui, voilà, les plantes, elles sont multicellulaires. Bon, peut-être ça va s'arrêter là. Et le blob, il nous montre que non, on n'a même pas besoin d'avoir plusieurs cellules pour apprendre et mémoriser des informations. Et donc, ils questionnent, ils bousculent. On a toujours été bousculés dans le cours de l'histoire des sciences. Déjà, quand on a démontré l'intelligence chez les animaux, on est retombé un petit peu de notre piédestal. Et là, maintenant, on nous dit que même un organisme qui ressemble à une vulgaire omelette peut apprendre. Et là, du coup, finalement, on se dit, est-ce que ça s'arrête au blob? Ou est-ce que finalement, être vivant, c'est pas avoir ces capacités-là de base d'apprentissage et de mémoire? Finalement, même quand une bactérie suit un gradient, il y a une petite forme de mémoire aussi. Donc finalement, il faut peut-être arrêter de mettre des barrières entre les organismes vivants et juste accepter que tous les organismes vivants peuvent avoir une forme d'intelligence. Elles, forcément, elles ne sont pas du même niveau, mais que c'est un continuum et qu'au cours de l'évolution, certains organismes ont pris différentes routes. Jean-Philippe Pierron. Je crois que c'est Bichat qui avait cette formule qui disait la vie, c'est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Alors, bien sûr, il y a ça. C'est que je pense qu'on peut pas penser la question du vivant sans penser la question, en fait, de la mort. Et je dirais que peut-être d'ailleurs que l'attention qu'on porte aujourd'hui au vivant, dans la pluralité de ses formes de vie, Et peut-être qu'il s'agit, quand on dit cela, certes des animaux, des plantes, mais peut-être qu'un souffle d'un vent dans un arbre ou bien une qualité de fluence d'un fleuve, c'est peut-être aussi quelque chose qui nous rend vivants. Enfin, il faudrait distinguer en tout cas peut-être entre les vivants et ce qui nous rend vivants. Mais peut-être que derrière tout ça, en fait, ce que je veux dire, c'est que l'insistance sur le vivant aujourd'hui, elle tient à la prise de conscience que nous sommes aussi dans une société qui fabrique de la mort. Hein. Et ce que ça signifie être vivant, c'est savoir la mort dans ce qu'elle peut avoir de tragique, bien sûr, mais avec ce qu'elle peut aussi avoir d'intensifiant quant à ce que nous avons à engager dans nos manières de vivre. J'aurais tendance en fait à dire que même si sous la rubrique vivant, on peut mettre des choses parfois très différentes et peut-être indistinctes, c'est sans doute aussi parce que nous sommes à un moment du temps alors qu'on appelle aujourd'hui anthropocène, mais qui pourrait peut-être aussi être un thanatocène d'une certaine façon, en ce sens que certains aujourd'hui parlent de nécro-capitalisme pour dire finalement que nous fabriquons une culture qui à la fois nourrit l'extinction des espèces vivantes, dans leur, y compris fait disparaître des formes de vivants qu'on n'aura jamais connues, parce qu'on ne les aura jamais reconnues et identifiées dans nos classifications, et nous compris. On parle parfois de notre culture comme étant une culture extractiviste, hein, une culture de la prédation, qui a besoin en fait de garder une emprise jusqu'à l'extinction des ressources en question, alors des ressources minérales ou des sous-sols par exemple, mais ça peut être aussi des ressources, des différentes formes de vivants. Et donc cette culture extractiviste, elle est pour une part marquée par une pulsion de mort. Alors je dis pas que la question que l'enjeu du vivant se réduise à ça, hein, mais on peut pas ignorer cette dimension du tragique, hein, et aussi du malheur pour une part qui est derrière ça. Mais aussi on pourrait rajouter, c'est un biologiste il y a déjà longtemps, c'est Jacques Ruffier qui avait publié un livre qui s'appelait Le sexe et la mort. Il disait que la chance qu'ont les vivants d'être vivants, ils le payent pour beaucoup, tu vois, donc là pour les animaux qui ont une sexualité. Autrement dit, pour les êtres un peu individualisés, ils le payent du prix fort, qui est que pour que le vivant demeure, il faut que l'individu meure. Pour que l'espèce continue, eh bien, il faut que les singularités, elles, s'effacent. Et donc, il y a à la fois une jubilation en fait du vivant à être dans sa singularité et dans sa forme de vie singulière, et en même temps d'être un moment dans une histoire plus vaste que lui. Alors c'est pour une part tragique, c'est pas forcément malheureux. Hein. Mais ce que je pense quand même, hein, que si nous avons aujourd'hui le regard tourné vers les différentes formes de vivants non humains, c'est parce que nous prenons la mesure que nous sommes en train de, en les abîmant, de nous abîmer avec eux. Hein. Au deux sens de peut-être de ce que veut dire abîmer, c'est-à-dire se faire mal et tomber dans l'abîme. Déjà le vendredi 23 décembre 1949, Roger M., président et cofondateur de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, annonçait le pire. Ce qu'on n'appelait pas encore biodiversité, mais plutôt faune et flore, était déjà pour lui menacé. Le message de l'écologue sonnait comme l'avertissement de Cassandre. Une sixième extinction avait bien débuté. Nous avons vu comment la grande faune s'était amenuisée peu à peu depuis la venue de l'homme sur cette terre. Quand Livingstone parcourait l'Afrique équatoriale, d'immenses troupeaux d'hippopotames peuplaient fleuves et marécages. Lors de l'arrivée des pionniers en Amérique du Nord, la savane paraissait un fourmillement de taches sombres. Aujourd'hui, rien de ces spectacles ne subsiste, sauf en quelques rares régions refuges du monde. Et quelques groupements d'hommes de science ont dû s'efforcer de sauver d'ultimes représentants de ces grandes faunes de mammifères en parquant leurs reliques dans des réserves. L'homme a détruit, par le fer, par le feu. Mais a-t-il suffi, par son action directe, par ses armes, à provoquer de tels carnages? Non. L'extinction de tant d'espèces et de tant d'individus, animaux et végétaux, provient plus encore de la transformation des lieux où ceux-ci vivaient. La rupture dans l'équilibre de la nature, j'y reviendrai, a causé la disparition de l'arène où se jouait la vie même des êtres sauvages, la destruction de ce qu'on appelle l'habitat, a causé tout naturellement celle des animaux et des plantes qui s'y trouvaient rassemblés. L'habitat, ce peut être la forêt vierge, le bois de pin, le boqueteau de charme, la garrigue, la tourbière, le lac, le fleuve, la dune. À chacune de ces scènes est attachée la vie même de bien des animaux sauvages. La disparition de la forêt notamment a entraîné celle de beaucoup de ceux qui la peuplaient. Ainsi, les chauves-souris des Antilles qui se nourrissaient de baies d'arbres sauvages n'ont pas résisté à la disparition de la forêt voisine. La flore conditionne essentiellement la vie de la faune. Or, cette végétation native, l'homme, en a été partout l'ennemi implacable, sans penser ou sans pouvoir la remplacer par autre chose. Alors, on entend parler de sixième extinction. Donc d'abord, ça sous-entend qu'il y en a eu cinq avant, cinq majeurs. La réalité, c'est qu'il y en a eu plus que cinq avant. Il y en a effectivement eu cinq majeurs. Si on remonte le temps sur 500 millions d'années, il y a cinq extinctions majeures. Il y a une cinquantaine d'extinctions qui sont moins importantes. Donc on a un échantillonnage statistique de ce que représentent ces extinctions. Et à partir de là, on peut observer ce qui se passe aujourd'hui, essayer de comparer ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui s'est produit dans le passé géologique de la Terre. Une des premières choses à regarder, c'est de regarder les choses de manière statique et de regarder combien d'espèces se sont éteintes depuis en gros 500 ans, puis combien d'espèces sont également en déclin et sont en risque d'extinction dans les décennies qui viennent, ce que nous raconte l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Si on regarde le nombre d'espèces éteintes, en pourcentage du nombre d'espèces vivantes sur Terre, on est à 1%, 2%. On peut se dire, bon, c'est pas si énorme que ça. Si on regarde le nombre d'espèces qui sont en danger d'extinction, entre 500 000 et 1 million d'espèces pourraient disparaître dans les décennies qui viennent. Si on compare avec le chiffre du nombre d'espèces vivantes sur Terre, on est autour de 10-15%, mettons. Donc on pourrait se dire, tout va bien. Sauf que ce qu'on regarde, c'est sur une période de 500 ans. Donc si on extrapole sur 1 million d'années, cette fois, c'est beaucoup moins drôle, parce qu'on n'a pas une vision statique, on a une vision dynamique. Et cette vision dynamique, elle nous dit quoi? Elle nous dit par exemple que pour les mammifères, on pourrait être sur un taux de 8000% d'extinction sur 1 million d'années. Ça veut dire qu'on est quand même au niveau d'une des grandes crises du passé. Donc on est sur la même trajectoire. Simplement, on est au début de la trajectoire, et on y va très vite sur cette trajectoire. On va 100 à 1000 fois plus vite que lors des grandes extinctions du passé. Donc on peut considérer qu'on est loin du mur, mais qu'on va vite dans le mur. La deuxième chose qui amène à penser qu'on est vraiment face à une sixième extinction, c'est quand on regarde un petit peu les mécanismes qui sont derrière. Ces mécanismes, c'est de dire que toutes les crises du passé ont été des crises multifactorielles. Elles ont toutes été dues à plusieurs facteurs, même si, in fine, ça a été le changement climatique qui a provoqué les extinctions. Ça a été du manque d'oxygène dans les océans, ça a été la géographie des océans de l'époque, ça a été des émissions de volcaniques gigantesques, ça a été de temps en temps, mais assez rarement finalement, des météorites. Différents paramètres qui ont fait qu'il y a eu ces grandes crises. Aujourd'hui, on est face à quoi? On est face à de la pollution, à de la surexploitation des ressources, à de l'usage des sols et des surfaces, à du changement climatique également, à du transport d'espèces qui deviennent invasives. On est également multifactoriel. Et toutes ces grandes crises du passé n'ont pas été des hécatombes. C'est-à-dire que l'image de la météorite qui vient frapper les dinosaures qui vont tous mourir est une image qui est fausse. Ça a été des déclins d'abondance, une diminution du succès reproducteur qui a fait que de génération en génération, il y a eu de moins en moins d'individus. On peut en proposer une preuve par l'absurde. Si ça avait été une hécatombe brutale, les bancs sédimentaires qui correspondent à ces grandes extinctions du passé devraient être pleins de fossiles. Or, ils sont vides. Ça veut dire qu'au moment où ça s'est produit, il n'y avait déjà plus personne. Donc on est bien face à des déclins d'abondance qui sont liés à ces diminutions de succès reproducteur. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a des déclins d'abondance. On les observe, le muséum les a observés, avec le CNRS notamment, sur les oiseaux, déclin des populations d'oiseaux dans les campagnes françaises. 2 fois moins de moineaux dans les rues de Paris qu'il y en avait il y a 20 ans. Donc on est vraiment sur le même mécanisme. Donc en tendance, on est au début de la tendance, mais on va très vite sur cette tendance. Et en termes de mécanismes, on est sur les mêmes mécanismes que sur les grandes extinctions du passé. Et l'humain est responsable de cette 6e extinction ? Oui, l'humain est responsable. L'humain est à l'origine de ces différents facteurs, ces facteurs de pression sur la biodiversité. C'est vraiment l'humain qui est derrière tout cela. Ça, c'est une originalité de la 6e extinction. Est-ce qu'on peut avoir une relation avec un blob ? Alors, je ne sais pas si on peut avoir une relation avec un blob, mais moi, je m'y attache beaucoup. Je leur parle, il y a certaines personnes qui parlent à leurs plantes. Moi, je parle à mes blobs. J'avoue que j'ai une petite tristesse quand je vois qu'il est malade, par exemple. Je lui dis ça va aller mieux demain. Non, vraiment, il y a un côté attachant avec le blob parce qu'il est surprenant. Vous avez en face à vous un organisme unicellulaire. Donc, pour vous, dans votre tête, vous dites c'est unicellulaire, c'est forcément simple. Or, il y a une variabilité comportementale énorme. Si vous prenez 2 blobs dans cette forêt, ils ne vont pas réagir de la même façon. Ils vont avoir un comportement qui leur est propre. Et après, quand on fait des expériences, il ne résout jamais 2 problèmes de la même façon. Il a plein de façons de faire. Des fois, il s'échappe. Et on a presque l'impression qu'il a une petite personnalité. Je sais que c'est exagéré, je sais que c'est très anthropomorphisé, mais on a vraiment des fois l'impression qu'il peut nous faire marrer des fois, parce qu'il trouve des solutions qui sont très très rigolotes à certains pièges. C'était Vivant par nature, avec Audrey Dussoutour, Gilles Boeuf, Michel Kreutzer, Jean-Philippe Piron, Catherine Laine, Bruno David. Avec la voix d'Agnès Roux, merci à Nathalie Machon, Frédéric Viard, Marine Grand-Georges, Céline Louzen, Emmanuel Georgi. Prise de son, Geoffrey Marianne, Georges Thaud, Lucien Lefebvre, Florent Bajon. Mixage, Manuel Couturier. Coordination, Perrine Kervran. Attachée d'émission, Marie-Vonna Bolivier et Anaïs Morales. Une série documentaire de Franck Bessière, réalisée par Anne Fleury.